Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Une émission de Guy Mercier. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. This in school, how I shake, shimmer, move, and keep that cool. It's a lot of paths you can walk down, but in this one, you're fine. Any situation can be talked down. Gotcha, and it's like that. Mad, hang up, but I know you call right back. You are not the nigga that'll make you change your name. But you never want another, cause the game that flow through my. Rhythm and the rhymes can only be defined by a Mac in real time. I'm good, I ain't got a complaint stain, and bitches can't understand when I'm talking in bass slang. Can you repeat it? Can you eat it before you beat it? Nah, chill. Bitch, you gotta pay before I spread. That's real. But I can never knock the next man. Who gon' trick on them hoes until he got a bedpan? But see me, can't and I won't get fucked. You ain't got it, then you can't and you won't get tucked. See me, I'm stepping and fly, and I can show you a whole lot of shit. Open your eyes. Play, I play, I play, I play, uh-huh. Play, I play, I play, I play, uh-huh. No, I'm not the nigga that'll make you change your name. But you never want another, cause the game it flows through my veins. No, I'm not the nigga that'll make you change your name. But you never want another, cause the game it flows through my veins. Tu vas faire avec ça. Trois morceaux déjà. D'abord Alexander Hack, Neil, ensuite Ivry, je ne sais pas le titre, je connais pas le titre, autant ne pas être là. Thank you. alright, it's alright. Troisième morceau, c'était ça. Je suis pas là, je fais ça pour toi. Quatrième morceau, c'était Marc Fian. Passons à autre chose. スギネプと言ってみた。スギネプとスギネプ言ってみる。枕言葉があると寝てみたくなる。次ねぶや山城がパッポ宮登り青によし奈良を過ぎ戻って山とを過ぎ鏡が星国ば風だき高宮脇辺のあたり 言葉を突破してさばる何に何にかわからない許しをこぶために書いているのだと思った時が少しある。次ねプを横たべる静かに眠れ。次ねプ言葉の響きによって沈められる。次ねプ次ねプパパラブ次ねプパ泣く次ねプは光る。でもすぐ沈められる。次ねプパ単純だパラパラプってくるププあられごときだオーロラごときだとっぽいどこかで吹雪がありただ吹雪のかけらここにプップゆらゆらとオーロラプカレプあられプカレってここにマップむかしむかしむかしむかしおおむかし今今今今今今おぼいま次ねぶっぱ考える言葉昔のぶっぱり今いずこ次ねぶの意味を次ねぶっぱ知らない次ねぶっぱもうすぐ死ぬ旅場をばる夜が明けるとビドビドがそれぞれのワイベ一日の始まり始まり始まりそれぞれのワイベ。 Oui, voilà. C'était Aza Chong et Junwei. Maintenant, ce sera The Knife. Ce sera The Knife. Non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, une émission. Programme. Ça m'évite de parler. C'est reposant pour toi, c'est reposant pour moi. Bon, ce temps-là, je suis pas là. Passons à la suite de l'émission. Je ne suis pas là. just use their wings. Ostrich spreads its plumes like sails to the breeze. Avec Durin, tu peux tout dire, tout faire, être acteur dans une parodie et prendre cher. Faire croire qu'il suffirait de bien se cramponner à une étoile. Bien tant pis, laisser pisser, regarder les choses en face et y prendre part pour le dire mieux. Tu peux même les traiter si tu veux, ou bercer dans la défaite. Si t'écris pas des morceaux, t'envoies des lettres. Celle ou celui qui voudra tes nouvelles aura la FNAC comme boîte aux lettres. J'ai un trou dans la tête. Chouette, quand ton cerveau glisse dans ta bouche, tu mâches, rabâches, tu fais ça dans ton coin. Peut-être que tu pourras le faire jusqu'au bout, parce qu'on sera toujours là, derrière moi pour me reprendre. On me décrochera si j'arrive à me pendre, comme ça ou à la longue, on aura ma peau. Et si j'ai mis mon cerveau dans ma bouche, on n'aura pas plus de moi qu'une mouche. Ça devrait te suffire de te dire qu'on n'aura pas plus de toi qu'une mouche. Même si c'est pas très malin, je continue, on verra bien. Un suicide par les mots, voilà ce qu'il me faut. J'ai trouvé. T'as vu que c'était trop peu, face à ce qui ronge les visages. La vengeance et la haine, déjà la vue du sang fait peur, ça veut tout dire. Ça va pas être propre, ça n'est sûrement pas le temps qui en donnera une autre image. Parce qu'il faut savoir mentir pour faire plaisir. Meilleur moyen pour y rester, au fond du premier pronom personnel. Il sommeille, lance cette drôle de machine pour justifier mon existence. Si c'était réglé d'avance. Maintenant, encore un peu sans moi. Waiting to begin. une émission de Guy Mercier avec, à l'instant, John Otway. Une émission normale. Je ne suis pas là. Une émission qui continue maintenant sur le même ton. Je ne suis pas là. You know, my grandfather used to tell us a little story about how the hustlers back then made their money. There wasn't no drugs then. They was doing it with that good old corn liquor. But he said you always had to be careful for that car with the star. He said, run, run, run like hell. All you motherfuckers going to jail. Get it by the jug. Get it by the jar. But you better be careful for that car with the star. Two-way radio, silver antenna. He'll nail your ass to help you handle. Looking like a redneck behind the wheel. He's a real federale. And he don't make no deal. You can't pay him off. He don't take no. Now you can't pay him off. And he ain't on the take. He's a butt-kicking agent, and he ain't no fake. He said, now, I got you, and you're going to jail. Wasn't downwind, I couldn't tell. I don't care who you are, you gotta watch that man with the star. The car. With the star. Bad motherfucker. Tear down the steel, Bill. He said, the stuff is good. Smooth to the taste. But all you motherfuckers got a federal case. I'm taking the copper and I'm axing the tubs. You know better than filling up these jugs. I don't drink corn liquor. I don't make no deals. That's why I'm tearing down this goddamn liquor still. You've been getting folks high, and they've been raising hell. It's all over now, your motherfuckers going to jail. If you make corn liquor, I don't care who you are. You're gonna respect me, cause I'm the man with the star on the car. With the star on the car. Damn it, I don't care who you are. I'm the man with the star on the car. Hey! Run! Run, run, run, run, run, run right here! God damn! Every word you speak knocks me off my feet. I couldn't wait to touch your little ass. Your body tastes so sweet. Every word classiques qui s'enchaînent dans cette émission. Je ne suis pas là. Larry Clark. Ensuite, BMX Bandy. Tout ça n'a pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Ça n'a rien à voir. Rien. Tout ça, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Don't worry. Dark Fian, encore, dans Je ne suis pas là, émission de radio. Je ne suis pas là, par Guy Mercier, bientôt, ce sera fini, bientôt. Théorème, maintenant, c'est ma chanteuse de Sida dans cette émission qu'on ne présente plus. trempé, mais ça me rendait l'air déterminé quand je rentrais dans le bureau du conseiller avec mon cuir trempé qui me rendait un air très déterminé parce qu'il criait. Dans l'obscurité du bureau du conseiller, donc j'y suis allée ce jour-là avec mon cuir mouillé parce qu'il pleuvait dehors et que mon cuir était trempé. Mais ça me rendait l'air très déterminé quand je rentrais dans le bureau obscur des conseillers et que mon cuir mouillé brillait. J'aurais bien pu y aller avec un fouet, mais j'y suis allée avec mon cuir qui était trempé parce qu'il pleuvait dehors et que mon cuir était mouillé. Dans le bureau obscur du conseiller, j'ai dit une connerie du genre. Comme j'ai multiples personnalités, je ne veux travailler sur un poste en particulier. J'ai redit une connerie du genre. Comme j'ai multiples personnalités, je ne peux travailler sur un poste en particulier. Donc je suis allée ce jour-là avec mon cuir qui était trempé parce qu'il pleuvait dehors et que mon cuir était définitivement mouillé. Ça me rendait l'air déterminé parce qu'il brillait. Dans le bureau obscur du conseiller, j'aurais très bien pu y aller avec un fouet, mais je suis allée avec mon cuir trempé qui brillait. Et j'ai sorti une connerie du genre. Comme j'ai l'habitude de faire une réalité, je n'aime pas travailler sur un peu sympa. J'ai sorti une connerie du genre. Comme j'ai multiplié de personnalité, je ne peux travailler sur un poste en particulier. Mais j'aurais très bien pu y aller avec un fouet. Voilà, l'émission se termine sur un morceau de Dean Blunt. Dean Blunt, pourquoi parler sur les disques? Pourquoi expliquer? Rien, je n'ai pas donné le titre des morceaux, je ne connais peut-être même pas. Might as well see what's up with these niggas. It's been too long, girl, yeah. I've been too long, yeah, yeah. Can I caress this? Thank you. cette émission se termine. Je vous remercie. Guy Mercier, je ne suis pas là. À bientôt.